anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1 toujours. C'est Gentiane La France qui est avec vous pour la prochaine heure et avec une très, très belle équipe de collaboratrices, collaborateurs cette semaine. Donc, on va revenir encore sur les nouvelles expositions au Musée national des beaux-arts du Québec parce que Myriam Leland invite Maude Lévesque à parler de deux expositions dont elle est commissaire dans ce trio de nouvelles expositions qui nous sont arrivées la semaine dernière. Ensuite, comme on en parlait avec Jessica tout à l'heure, donc Jean-Michel René va nous partager ses impressions sur l'exposition du trio BGL qui est à la Galerie 3, donc une exposition qui s'intitule Le Grand Écart. Et on va terminer l'émission avec Marie-Claude Drolet qui nous propose de rencontrer l'artiste Marie-France Tremblay qui fait actuellement une résidence à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc une émission tout en diversité pour ce beau mercredi soir à l'aérospatiale. Et juste avant de commencer, Simon Roy nous propose d'écouter Airplane Music, donc qui est une espèce de projet de musique expérimentale qui nous vient du Brésil. Vous allez voir, là, on est dans l'électro, mais c'est pas toujours des sonorités qui sont agréables à entendre. On est un peu déstabilisé, mais je vous laisse sur un petit extrait et au retour, Myriam Leland et Maude Lévesque nous parlent des expositions Mirage Blanc et D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Alors, c'était... on a eu un petit problème avec notre sélection musicale. C'était donc une pièce de Roboy qu'on entendait et non pas de Airplane Music. On va défaire le malentendu tout de suite. Et j'ai devant moi Myriam Leland. Bonsoir. Bonsoir. Et au bout du fil, Maude Lévesque. Bonsoir. Comment ça va, Maude? Ça va très bien, merci. Donc, Myriam, tu avais le goût de nous présenter Maude parce que Maude, de nous la présenter, elle est déjà venue à l'émission, mais Maude a été commissaire de l'exposition Le Mirage Blanc et l'exposition D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Donc, deux toutes nouvelles expositions au Musée national des beaux-arts du Québec. Exactement. En fait, Maude, elle est également la conservatrice de la CPOA, donc la collection de prêts d'œuvres d'art du Musée national des beaux-arts du Québec depuis 10 ans cette année. Puis, comme tu le mentionnes, elle est commissaire de deux des nouvelles expositions au Musée national des beaux-arts. Maude, je ne sais pas si tu aurais envie de peut-être nous parler brièvement de ces deux expositions-là. Elles sont assez différentes déjà visuellement, mais je pense qu'elles ont une même base qui questionne un peu l'identité commune. Oui, ben en fait, c'est ça. J'ai ma collègue Anne-Marie Bouchard là, qui travaillait au redéploiement des collections dans le pavillon Gérard Morissette. Puis bon, le musée m'a invité à faire deux expositions au rez-de-chaussée réalisées à partir des acquisitions récentes faites par le musée. Puis on m'a demandé de m'attacher un peu au redéploiement. Donc évidemment, j'ai discuté beaucoup avec Anne-Marie qui m'a fait part des constats qu'elle a fait en faisant la recherche dans la collection. Il y avait en fait pas beaucoup d'œuvres produites par des femmes. Il y avait pas beaucoup d'œuvres produites par des artistes autochtones et par la diversité culturelle. Donc, nous, on a décidé de poser un autre regard sur cette collection-là. Puis on se disait, ben l'histoire, c'est enregistré, notre histoire visuelle est enregistrée par les musées. Et les musées vont souvent développer la collection en symbiose avec notre histoire de l'art. Et à un moment donné, ben c'est bien peut-être de revisiter tout ça pour essayer d'inclure là ce qu'on a laissé dans la marge. Donc évidemment, ça c'est l'exposition D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous. Puis en parallèle, mais je me disais, c'est intéressant aussi de parler de nous, mais d'une autre façon. Donc de mettre de côté un peu la revendication, mais pour parler de ce qu'on est, de ce qui nous façonne. Puis, avec les acquisitions récentes, toujours l'hiver, le thème de l'hiver est ressorti. Puis, j'ai eu un malin plaisir là, à faire parler les œuvres d'art autour de ce thème-là. Mais c'est merveilleux pour l'avoir vu, justement, comme je disais, ces deux expositions assez différentes, mais on sent le lien qui les relie. Peux-tu peut-être nous parler de comment le montage de ces deux expositions-là s'est passé? Est-ce que tu as commencé par une, puis ensuite tu étais avec l'autre, ou comment s'est passé ton processus? Ça s'est développé vraiment en symbiose, c'est-à-dire que moi, je fonctionne toujours avec des coups de cœur à la base. J'ai choisi des pièces que j'avais vraiment à cœur et j'ai travaillé pour développer un corpus autour de ces pièces-là, de chaque côté. Puis je pourrais dire aussi, parce que je suis conservatrice de la collection prêts d'œuvres d'art, et parce que je viens des arts visuels et non de l'histoire de l'art, je travaille pas de la même façon. C'est-à-dire que je suis habituée de travailler au quotidien avec des gens qui sont néophytes face à l'art. Donc, c'est sûr que je vais pas leur parler nécessairement de comment je pourrais dire... De dans un langage plus académique, peut-être? Non, c'est ça. Je vais vraiment dans le ressenti. Puis bon, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que les gens veulent représenter et tout ça. C'est que c'est un peu la même chose qui m'anime là, pour concevoir des expositions. OK. C'est vraiment ce que j'avais remarqué justement dans ta manière de commissarier les expositions. Surtout avec D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, on va l'appeler à partir de maintenant D'où venons-nous. Oui. Ça va être son petit surnom affectueux. on remarque, en fait, c'est une exposition qui est assez forte. C'est beaucoup de l'art actuel, engagé. Puis pour quelqu'un qui est néophyte, comme tu dis, quelqu'un qui est peut-être pas initiés, on remarque tout de suite que ça frappe sans trop pouvoir mettre de mots dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment au niveau du ressenti qu'on le voit. D'ailleurs, cette exposition, on parlait du nom qui est très long. Ça porte le nom d'une œuvre de McEwen. Est-ce que, puis Mirage Blanc aussi, en fait, c'est le nom d'une œuvre qui figure dans l'exposition. Est-ce que t'as décidé ça un peu quand tout était déjà monté ou quand t'as vu les œuvres, t'as su tout de suite que ça serait ça le titre? Ben, pas du tout. En fait, moi, les titres, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que, je sais pas, ça me vient jamais naturellement. Donc, je travaille toujours sur les projets, puis à un moment donné, bon, on me demande un titre. C'est toujours un titre de travail qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas d'allure. Mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, cette exposition-là, je trouvais que l'œuvre de McEwen, c'était vraiment une bonne façon d'introduire le corpus aux visiteurs. Puis en même temps, je trouvais que les questions étaient là. C'est-à-dire que le visiteur arrive déjà avec ces questions-là dans l'exposition. Puis juste avec ça, il est capable de faire le tour puis de se questionner par rapport à ce qu'il ressent. Puis Mirage Blanc, ben, je me disais, oui, l'hiver, c'est bien beau, ça nous définit. On trouve ça super beau jusqu'au mois de décembre. Après ça, on est un peu tanné. C'est un peu ce qui nous représente à l'étranger aussi, l'hiver. Quand on fait des voyages, des fois, on se fait parler de l'hiver, mais comment on fait pour survivre à tout ça. Puis les gens veulent qu'on raconte des anecdotes. Ben, c'est ça, le Mirage Blanc. C'est que nous, tu sais, on trouve ça lourd à supporter. Oui. Je trouvais, tu sais, ça m'a un peu sauvée là, d'avoir ces deux œuvres-là dans les corpus. Je trouvais que ça entrait vraiment en résonance avec les œuvres puis les expos. Oui, c'est vrai que, ben, surtout Mirage Blanc, l'œuvre de Micheline Beauchemin, je crois. Il faut absolument la voir, là. C'est difficile à mettre en mots, mais c'est vrai qu'elle fait ressortir tous les beaux côtés de l'hiver, le vaporeux, le lumineux. On ressent presque pas le froid quand on la regarde. Mais c'est une cape, hein, donc ça oui. C'est fait pour recouvrir, pour réchauffer. C'est aussi, ça, durant l'hiver. C'est réconfortant quand on la voit. Oui. Puis dans le jeu iridescent qu'on retrouve dans cette œuvre de Micheline Beauchemin, il y a aussi quelque chose de chaleureux aussi, parce que c'est plein de nuances de blanc, mais on a des nuances qui sont très chaleureuses aussi. Oui, c'est ça, malgré les couleurs froides. Oui, on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui refroidit, mais il y a vraiment quelque chose de... On est plus du côté du nacre. Très, très, très, très belle œuvre de Micheline Beauchemin. On est vraiment dans l'hiver magnifié. Oui, tout à fait. On n'est pas dans les cauchemars là, de l'hiver. Exactement. On est vraiment dans le mythique puis dans le rêvé. Là. Oui, c'est ça. Moins dans la slush, un petit peu plus dans la poudreuse. j'ai envie de te demander, Maude, qu'est-ce que tu trouves qui distingue ces deux expositions-là de d'autres projets sur lesquels tu as pu travailler, soit au MNBAC ou dans ta carrière avant le MNBAC? Bien, en fait, moi, j'ai toujours travaillé de cette façon-là. Je suis toujours allée avec le ressenti. Pas que j'aime pas tout le travail intellectuel qui s'adresse à l'art, parce que c'est essentiel, puis il faut faire avancer notre domaine, tout ça. Mais moi, tu sais, je suis aussi responsable de l'engagement public, puis c'est comme ça que je le vois. C'est comme une poignée pour aller chercher les visiteurs, en fait. Puis je pense que l'exposition que j'avais fait, Le Temps File, c'était un peu dans la même veine, c'est-à-dire que je mélangeais un peu tous les genres, toutes les périodes aussi. Ça me donne une grande liberté. Puis je pense que maintenant, le musée aussi me fait assez confiance là, dans la réalisation de ces projets-là. Oui, ben justement, ça fait 10 ans que tu es au MNBAC, à la CPOA, puis engagement public. Qu'est-ce qui t'a attiré il y a 10 ans dans cette institution-là? Ben, il faut dire que j'ai un parcours atypique. C'est ça. Moi, je viens des arts visuels. Ouais. J'ai eu ma propre galerie pendant 4 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre d'artistes, donc je me suis vraiment fait les dents. T'sais, j'ai vu les deux revers de la médaille. J'ai vu le marché de l'art, mais j'ai vu aussi comment on faisait de l'expérimentation. Donc, c'était comme tout naturel comme suite. Quand le musée m'a approché, il cherchait quelqu'un qui connaissait le marché, puis qui connaissait aussi le milieu des artistes. Donc, qui avait des contacts déjà avec les artistes, puis mon profil atypique comme collé. Puis je pense que d'emblée, j'avais ce langage-là très libre par rapport aux œuvres d'art, aux productions. Là. Donc je pense que ça m'a ouvert les portes au musée. Puis honnêtement, c'est un travail que j'adore vraiment. Et j'imagine pour avoir fait déjà 10 ans et encore plus, on l'espère. Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler qui s'en viennent bientôt? Bien déjà, c'est moi qui est responsable du commissariat de Lumière sur l'art. Ah oui! Il sera inauguré demain sur la rue Cartier à 18h. Donc ça, c'est mon autre bébé. Donc pour une fois, je me suis vraiment permis de lâcher la collection permanente du musée et de faire une invitation là, à une artiste pour faire ce projet-là. Puis je suis vraiment heureuse, j'ai hâte de voir tout ça illuminé demain soir. Là. Oh oui, très bon choix, Manon Depan. On a très hâte de voir ça aussi de notre côté. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir une artiste vivante qui propose un projet pour ce type de format de présentation-là. Oui, je pense que c'est la première fois que c'est un projet qui est spécifiquement fait pour Lumière sur l'art plutôt que d'essayer d'adapter des œuvres déjà existantes pour les fameux abat-jours. Oui, parce que je dois vous dire que c'est vraiment pas aisé. Moi, j'avais toujours à trouver, dans la collection, il fallait avoir un nombre d'œuvres suffisant pour faire le projet sur les 37 abat-jours. Mais il fallait aussi que ce soit des œuvres qui se prêtent à ce jeu-là, parce que c'est pas évident de faire un montage sur une forme cylindrique. Là. Disons que des fois, j'ai fait des tests avec toutes sortes de choses, avec des paysages entre autres, puis c'était vraiment pas heureux. Pourtant, on penserait que... Je pense que c'est le temps là, de sortir de la collection, puis vraiment de faire vivre ce projet-là dans la communauté. Là. Oui, ben une des missions du musée, d'ailleurs, c'est d'encourager l'art actuel local, étant donné que c'est le Musée national des beaux-arts. Donc, peut-être que ça peut aider, justement, pour encourager des artistes vivants, comme Gentilliane mentionnait. Ben oui, tout à fait. Puis à faire connaître leur travail aussi, parce que des fois, au musée, c'est pas tout le monde qui vient nous visiter. Tandis que là, c'est vraiment comme le musée qui sort dans la rue. Puis elle, Manon Depart, mais elle a une pratique déjà en photographie, le travail avec les tables lumineuses, donc avec la matière tangible et la lumière. Donc c'était vraiment à propos là, de l'inviter à faire quelque chose pour Lumière sur l'art. Puis aussi, bon, elle a fait vraiment des pièces qui sont sur mesure pour ces abat-jours-là. J'ai vraiment hâte de voir ça. On a hâte à l'inauguration de demain. Et puis, Maud Lévesque, si on revient à l'intérieur, donc avec l'exposition « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? » Donc, on en a glissé quelques mots tout à l'heure. Il y a vraiment une volonté d'aller contrer un peu d'utiliser le pouvoir muséal pour renverser un peu la domination dans le monde de l'art de l'homme blanc qui est prédominant? Ben oui, en fait, c'est ça. C'était une volonté de questionner notre histoire. On peut pas effacer l'histoire. On peut pas. Moi, je pense pas que déboulonner des statues, ça fait pas que ce personnage-là disparaît. Oui, je pense pas que ça fait de bien. Non, mais c'est de renverser. On peut pas défaire notre histoire, mais je pense qu'on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des manques. Par exemple, financer de la recherche pour essayer de découvrir des femmes artistes qui seraient passées dans la marge, finalement, parce que c'est là qu'on comprend que oui, c'est un univers d'hommes. Et encore aujourd'hui, ben les collègues se disent, ben il n'y en avait pas des femmes artistes. Mais je me dis, peut-être qu'il y en avait, mais qu'on les a attribuées à des artistes de salon. Oui, ben c'est sûr que les académies d'art étaient pas nécessairement accessibles aux femmes. C'était pas des métiers qui étaient faciles non plus à occuper pour des femmes. Donc c'est assez intéressant de vouloir utiliser justement le musée qui est un organisme qui est là pour valider si on veut des œuvres, pour valider des artistes pour leur dire oui, c'est de l'art, puis c'est de l'art qui se vaut, puis oui. D'utiliser l'institution muséale, oui. Pour justement aller chercher des pratiques qui auraient pu être peut-être plus mises de côté par le passé. Oui, tout à fait. Donc, on veut vraiment se questionner. Donc, on n'est pas en train de dire que, oui, il y a tout un tas d'artistes qui ont été laissés de côté, mais on veut au moins contribuer à la recherche pour s'assurer que peut-être des artistes qu'on aurait laissés de côté ou... Donc, c'est vraiment une ouverture que le musée a. Puis, je pense qu'on a un rôle important à jouer. Puis aussi, pour les artistes de la diversité culturelle, bien, on se rend compte que c'est pas toujours des artistes qui œuvrent dans le même réseau, celui que nous, on fréquente, puis celui qu'on connaît. Donc, il faut aussi nous sortir de notre petite zone de confort. Oui, bien, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est que, comme Gentiane a mentionné, non seulement on valide les artistes qui n'ont pas eu cette validation-là avant, mais ce qui m'a surprise, en fait, ce qui est peut-être pas possible d'accomplir dans 350 ans, étant donné que c'est des œuvres beaucoup plus anciennes, surtout dans « D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous », On voit qu'il y a cette volonté, ben d'abord de reconnaître ses torts en quelque sorte, mais aussi d'inviter le monde muséal puis le visiteur à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a fait, ben justement d'où venons-nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation-là. Je pense à une œuvre en particulier. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai pas le nom sous les yeux. C'est au fond de la salle complètement. Il y a plusieurs. C'est comme une mosaïque de photographies. Dominique Blain. Oui, merci. Oui, exactement. C'est tellement frappant. D'ailleurs, c'est entré dans une genre d'alcôve dans l'exposition. Ça fait presque religieux comme mise en scène. Puis ce que je trouvais intéressant de cette œuvre-là, c'est qu'on voyait... En fait, on voit d'abord la capuche du Ku Klux Klan dans le coin supérieur droit. Puis le reste, en fait, des photographies, ce sont tous des masques d'autres usages, mais pas nécessairement avec une portée politique, mais étant donné qu'on voit la capuche du KKK, on a tendance à interpréter tout de suite les autres masques comme quelque chose de d'épeurant et tout ça, puis ça nous fait questionner justement sur comment notre regard est biaisé, en fait. Bien, en fait, je trouvais ça vraiment important de sonner des... Je veux pas être moralisatrice non plus, là, mais je trouvais ça important de sonner des petites clochettes, en fait, parce que je trouve qu'on a beaucoup des discours polarisés. On a beaucoup... On a un gros manque de nuances aussi dans nos paroles. Puis je sais pas, j'avais envie de faire... d'inviter les gens à se questionner puis à réfléchir sur comment, des fois, on se laisse emporter par une chose, mais que finalement, si on prend la peine de creuser, ah ben oui, c'est pas aussi net qu'on pensait. Mm-hmm. Oui. Puis je trouve que c'est un environnement qui nous... qui nous maintient beaucoup socialement depuis quelques années. Puis c'est avec... je vous dirais qu'avec Slav puis avec Kanata et tout ça, on a beaucoup, beaucoup réfléchi. On a marché sur des œufs à certains moments. On n'osait pas parler d'identité non plus, parce que parler d'identité maintenant, c'est un peu... tabou. Oui, ça devient... C'est associé au nationalisme, puis mm-hmm. ça devient presque du discours extrême. Donc, c'est ça, je voulais aborder un petit peu, sans dire aux gens quoi penser. Je trouvais que cette œuvre-là était assez forte pour nous faire réfléchir. On sent vraiment l'inquiétude. L'inquiétude, elle sous-tend un peu toute cette exposition-là. Je me trompe? Non, elle est là. Je me demandais... Coudonc, est-ce que c'est un peu trop élevé? Là? Tu sais, je regardais les deux expos qui sont deux extrêmes. Il y en a une qui est d'une grande couleur, puis l'autre, elle vraiment rentre dedans. Mais je me disais, ben, c'est aussi la place d'un musée d'aller brasser un peu les gens, de les faire réfléchir, de les faire se questionner. Puis c'est aussi ce que veulent faire les artistes. Puis comme je le disais au musée, ben ça fait 10 ans que je suis là, puis je le vois, là, qu'il y a une recrudescence de l'art engagé dans l'art actuel. Puis normalement, quand ça arrive, c'est parce que il se passe des choses intéressantes là, qui méritent d'être soulevées. Là. Donc, c'était un peu ça, mon idée avec cette exposition-là. Bien, je pense que le pari est gagné. On voit vraiment toutes ces nuances-là dans les expositions. Puis, je pense que ça rejoint vraiment bien, justement, le 350 ans de pratique historique au Québec. Oui, un beau dialogue qui se crée. Bien, merci beaucoup, Maud Lévesque, de nous avoir parlé de ton processus, de tes expositions avec une si grande générosité. Donc, d'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Est présenté jusqu'au 12 novembre 2019. Et Mirage Blanc est présenté jusqu'au 12 mai 2019, toutes les deux dans le pavillon Gérard Morissette du Musée national des beaux-arts du Québec. Et nous, on se quitte pour une pause publicitaire. Et au retour, Jean-Michel René. Merci, au revoir. Merci. CKRL, communication, culture. Le dimanche 25 novembre à la Korrigan, la Ligue d'improvisation, la GIF, laisse toute la scène à son équipe des Verts, le Géant, pour un match spécial. Venez voir ce que la formation de Thomas Tremblay a concocté pour vous faire rire et déguster au passage une excellente bière de microbrasserie. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Korrigan. La science vous inspire, vous intrigue, vous émerveille? Alors Futur Simple est naturellement vôtre. La science vous rebute? Futur Simple est aussi pour vous. Parce qu'à Futur Simple, on ne dévoile pas seulement les découvertes médicales, les préoccupations environnementales et les nouvelles cosmiques. On cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur Simple le jeudi, 17h30. Sortie culturelle. Le mercredi 21 novembre, l'émission de cinéma Situation Critique prend la forme de sortie culturelle au clap pour l'avant-première du film québécois À tous ceux qui ne me lisent pas. C'est en direct du cinéma Le Clap à la Pyramide de Sainte-Foy que nous accueillerons devant public l'équipe du film dont les acteurs Martin Dubreuil et Céline Bonnier. C'est un rendez-vous dès 18h30, mercredi au 89.1. Le 26 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, lundi le 26 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine, samedi 24 novembre, 11h, basketball division 2 féminin. Cégep Limoilou reçoit St. Lawrence. Samedi 24 novembre, 13h, basketball division 2 masculin. Cégep Limoilou reçoit St. Lawrence. Samedi 24 novembre, 18h, basketball division 3 masculin. Le Cégep Limoilou reçoit Matane. Samedi 24 novembre, 19h30, hockey féminin division 1. L'Arpidrome reçoit Dawson. Et dimanche 25 novembre, midi, basketball division 3 masculin. Le Cégep Limoilou reçoit Bécomo. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. Il y a les petites grippes, les grosses grippes, les grippes d'hommes. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec. J'aime bien l'idée que regarder, c'est un geste d'intelligence, c'est un geste de sensibilité. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Il devient une présence presque dans un réflexe un peu animiste. Yannick Pouliot, artiste révélateur de failles au premier degré. Tout notre univers matériel est là pour nous présenter, pour montrer comment on est des gens bien. Tous les talents d'ici, une seule adresse. La Fabrique culturelle. TV. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai avec moi, je l'ai annoncé avant la pause publicitaire, c'est Jean-Michel René. Salut! Qui vient nous faire une chronique sur la toute nouvelle expo de BGL, donc notre trio d'artistes préférés ben à Québec. Oui, hein, je pense qu'ils peuvent se passer peut-être de présentation, mais juste pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le mythique trio de Québec. BGL, en fait, c'est la première lettre des noms de famille des artistes. Alors, le collectif est constitué de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverne. Alors, et qui travaillent ensemble depuis 1996. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, là, c'est ça. Ils ont représenté le Canada à la Biennale de Venise l'avant-dernière. Donc, vraiment, un trio d'artistes affirmés qui a une carrière bien solide et qui nous présente, qui sont représentés par la Galerie 3, qui nous présente une exposition, la Galerie 3, ma foi, assez audacieuse pour une expo en galerie, là. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que la Galerie 3 a littéralement ouvert ses murs, si on peut dire. Il faut s'en faire de jeu de mots, mais en fait, c'est ça. Ils ont agrandi l'espace pour cette exposition-là. Ils ont donné une espèce de carte blanche au BGL, en fait, pour justement faire une proposition. Puis je trouve que c'est une chose qu'on en a discuté un peu durant la pause, mais c'est ça, c'est que c'est une galerie qui est super rafraîchissante parce qu'ils ont laissé vraiment libre cours aux artistes. Pas nécessairement on est loin des cadres accrochés sur les murs. Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'ai trouvé que c'est une expo qui était super rafraîchissante, qui était beaucoup de l'ordre du jeu. Moi, c'est un peu C'est la marque de commerce de BGL. On est dans le ludique. On est vraiment dans la. On en parlait aussi hors d'onde. On est vraiment dans la récupération. Oui. Parce que il y a des parties des œuvres qui ont été présentées ailleurs, donc des installations qui sont reconfigurées pour l'exposition qui est présentée à le Grand Écart. Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a des pièces qui sont pas réassemblées, mais réactualisées. Il y a aussi des mixités d'œuvres que j'avais pas vu aller ensemble. Bien, je pense, entre autres, il y a le réseau qui a été présenté justement à la Biennale de Venise, qui est un espèce de réseau parcours où ce qu'on peut faire descendre à toute vitesse ces pièces de monnaie. Oui, donc des gouttières qui sont raboutées en bout de métal d'un bout à l'autre de la pièce qui font différents parcours. Donc on en a quatre, puis on peut choisir de déposer notre pièce dans une des quatre fentes en haut. On monte dans une espèce d'échafaud, on met une pièce et puis on peut pas deviner où est-ce qu'elle va tomber. Non, c'est ça. Puis l'aboutissement en fait de ces pièces de monnaie là, c'est qu'il y a aussi un jeu aussi au niveau du langage parce qu'en fait, il faut comprendre pour les gens qui n'ont pas vu l'exposition, c'est qu'à la fin de ce parcours-là de gouttière, justement, il y a différentes avenues. En fait, les pièces, d'un, peuvent tomber au sol, ils peuvent être éjectés complètement du réseau, mais il y a aussi, en fait, c'est quand je parlais d'hybridation aussi entre les pièces, mais ça a été mixé avec la pièce Troubadour, qui est une espèce de joueur amuseur de rue, joueur de guitare. Puis, en fait, les pièces viennent justement activer une espèce de cloche qui est à l'intérieur de la sculpture, en fait, qui est intégrée à l'œuvre, puis ça tombe dans le panier. Fait qu'il y a comme quelque chose de tautologique. Puis sinon, aussi, d'un autre côté, à la fin d'une des autres branches, justement, de ce réseau-là, on retrouve l'œuvre, le porteur d'eau, je crois, qui est en fait une plante avec des seaux qui portent son eau. En fait, il y a quoi encore qu'on disait dans le ludique là? Oui, on est vraiment. Puis c'est ça, on est dans le ludique, mais on est aussi dans la surprise, dans le hasard. Et c'est un parcours en fait qui nous propose BGL dans cette exposition là. Oui. Donc puis c'est un parcours, je le redis encore, de surprise. Donc on a ces espèces de stores imprimés de briques et derrière on a une surprise et derrière encore une autre surprise, donc on a vraiment une espèce de parcours d'inattendu. Oui, c'est ça, puis c'est pas des univers qui sont qui sont linéaires, il n'y a pas une chronologie disons ou une histoire qui se décline, c'est plutôt c'est sûr qu'il y a des lexiques, on pourrait constituer en fait un lexique de sens puis de mots à travers toute la pratique de BGL, mais je dirais que c'est ça, c'est tout le temps construit des microcosmes, des petits univers à chaque section du parcours de la galerie, vraiment Bien, on est beaucoup quand même dans le trompe-l'œil. Donc, on a par exemple, ces bottes de cow-boy en papier mâché. On a une œuvre aussi avec du plexiglas orange qui va simuler le feu, la braise. Donc, il y a ce jeu-là de trompe-l'œil qui est quand même sous-jacent dans tout le travail de ce trio BGL. Oui, puis il y a l'idée un peu du spectacle. Puis je pense qu'il y a une œuvre, en fait, qui, je trouve, qui se rattache bien à cette chose-là. En fait, elle s'appelle « Spectacle plus problème ». C'est, en fait, un gros feu de camp, mm-hmm, qui est aménagé dans une pièce. Puis j'ai trouvé aussi, pour en avoir parlé avec Audrey Carreau, qui est la co-directrice de la galerie, puis aussi je pense que les gens, les auditeurs, ils connaissent, oui, bien. Oui, je pense qu'ils connaissent la voix d'Audrey quand même très bien, là, s'ils nous suivent depuis quelques années. Puis ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il avait aménagé aussi la pièce. Fait quand on parlait de récupération, c'est une œuvre qui a déjà été présentée auparavant, mais présentée dans un contexte qui est différent aussi. On a peint les... On a créé une pièce avec des fenêtres sur lesquelles on a posé une espèce de peinture, puis il y a des graffitis qui sont mis dessus. Fait que ça rappelle beaucoup un espèce d'environnement pas délabré, mais genre de d'ancienne industrie où ce qu'on allait faire des feux de camp quand on était jeune, choses comme ça. Oui, puis ça marche aussi avec, bon, la Galerie 3 a profité de son agrandissement pour justement mettre les murs à terre, on en parlait en début de chronique, et dire à BGL, faites-en ce que vous voulez, fait qu'on n'est pas dans le, on n'est pas du tout dans les murs blancs, là, du côté de l'agrandissement, on est dans le brut des matériaux de construction qui se retrouvent derrière ce qu'on pourrait trouver comme mur blanc peut-être par la suite. Ah non, mais effectivement, il y a quand même je trouve que c'est des maîtres, en fait, un peu de l'orchestration, où justement, ils créent des parcours, puis ils sont très bons aussi. Il y a une chose que je voulais soulever, ils sont très bons. Je trouve que c'est des maîtres des titres. Je trouve que leurs titres sont vraiment géniaux et je dois le souligner. Est-ce que tu peux nous en donner des exemples? Tu les as pris en note, je pense. Oui, mais je trouve que c'est bien. Ben, en fait, oui, j'en ai pris quelques-uns, mais il y avait spectacle plus problème. Il y a comme l'idée de... En fait, c'est ça, pour revenir, c'est ce feu de camp. À un certain moment, il y a un jeu de lumière aussi. Il y a des minuteries qui sont installées. Il y a des minuteries qui activent le feu de camp. C'est des ventilateurs avec des... des petits rubans. Oui, mm-hmm, c'est ça. Mais il y a aussi, à un moment donné, des projecteurs qui nous dévoilent un peu le système puis le spectaculaire, en fait, dans toute l'œuvre. Puis l'envers du décor, en fait, nous est dévoilé. Il y avait en fait, moi, une chose qui m'intriguait beaucoup, c'était les bottes de cow-boy, justement, cet univers du cow-boy-là. Je me questionnais un peu d'où ce qui venait, puis en lisant le titre « Joli sauteur », Joli Jumper, qui est en fait, qui est tiré de la culture populaire, je présume, oui. Avec, en fait, c'est le cheval de Lucky Luke. Oui. Puis je trouvais qu'il y avait des beaux rapprochements aussi avec, mettons, l'œuvre Born Again, qui est en fait un casque de Darth Vader liquéfié. Oui, blanc. Oui, c'est ça. Dans une flaque de lait. On peut présumer que c'est du lait parce que c'est un liquide blanc. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est sûr que les références à la culture populaire sont vraiment récurrentes dans le travail de BGL. Donc, on a vraiment une exposition qui représente très, très bien leur pratique, mais qui réussit à nous surprendre comme toujours. Oui, c'est toute une superbe gymnastique de notre super trio. Et c'est juste pour terminer, c'est présenté jusqu'au 20 décembre. Alors, manquez pas l'exposition Grand Écart de BGL à la Galerie 3. Merci beaucoup, Jean-René. Et puis, Jean-Michel, à chaque fois, excusez. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, nous, on passe pour une petite pause audio. Et au retour, Marie-Claude nous présente Marie-France Tremblay. We'll be right back. Alors, c'était un extrait de la pièce « Violence » de Roboy et j'ai en studio avec moi Marie-Claude Drolet. Allô! Et Marie-France Tremblay. Bonjour! Donc, Marie-Claude, tu nous as proposé de rencontrer Marie-France parce que Marie-France Tremblay est actuellement en résidence à la Maison des métiers d'art de Québec, c'est ça? Oui. Presque, mais en fait, ben, la résidence vient de se terminer. Oui, c'est ça. Ok, ok. Bon, c'est ça, je me demandais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en résidence. J'ai vu passer ça, puis je suis comme, est-ce qu'ils ont des fois deux personnes en résidence? Oui, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Oui, oui, on était deux en même temps. Ok, donc tu viens de terminer ta résidence. Oui. Là, t'es triste. Oui, je suis triste. Mais t'as plein de choses à nous dire. Ben oui. Donc, Marie-Claude, qu'est-ce que t'as préparé comme question? Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai beaucoup de questions pour Marie-France. J'ai commencé une petite biographie pour elle. Donc, pour la présenter. Donc, Marie-France, t'es originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu vis et travailles à Québec. Tes activités dans le milieu des arts sont multiples. Donc, t'es enseignante en arts plastiques au cégep. Dans une école secondaire. Dans une école secondaire. Oui. Tu fais partie du collectif Colifichet. Oui. Qui est célèbre, entre autres, pour l'œuvre textile Le sosie de Régis Labeaume. Oui. Entre autres, notre beau Très médiatisé, Régis Labeaume. Qui est réalisé au crochet. Au crochet, pardon. Donc, ton travail a été présenté dans plusieurs centres d'artistes au Québec et à l'international. Et là, tu viens de terminer une résidence à la Maison des métiers d'art dans le département de textile. Oui, c'est vrai. C'est une résidence qui est en collaboration avec le Centre Engramme. Oui. Ah. Ben oui, en fait, j'ai proposé un projet d'exposition pour le Centre Engramme. Moi, je suis membre de chez Engramme depuis plusieurs années. Oui, parce que la sérigraphie aussi est très présente dans ta pratique. Oui, c'est ça. Je travaille dans mon travail, il y a beaucoup de sérigraphie. Puis c'est ça, j'ai présenté un projet d'exposition qui a été accepté. Je suis bien chanceuse. Oui. Puis dans mon projet d'exposition, il y a beaucoup de textiles, il y a beaucoup de rapports au textile. J'ai présenté un projet dans lequel j'allais travailler, j'allais imprimer des sérigraphies sur du textile. Puis en lisant ça, puis en acceptant ce projet-là, bien, la directrice du Centre Armel, elle a décidé de tenter la chance, en fait, de m'offrir une résidence croisée et dans le Centre Engramme pour que je puisse imprimer des choses, imprimer mes textiles. Mm-hmm. Et aussi à la Maison des métiers d'art pour que je puisse aller travailler avec les meilleurs pour travailler meilleurs, en textile. Wow. C'est ça. Puis là, quand j'ai parlé des modalités de cette résidence-là, bien, Monsieur Dubé, Monsieur Plante Dubé... Thierry. m'a proposé, m'a demandé si ça me tenterait d'apprendre à travailler avec le métier Jacquard. Puis là, ben, quand cette porte-là s'est ouverte, c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite parce que ça fait longtemps que je veux apprendre ça, cette technique-là. C'est une très belle proposition. Ben oui, c'est ça. C'était vraiment une belle proposition puis une belle occasion de pouvoir apprendre cette technique-là qui est vraiment extraordinaire. Donc, pendant les 4 semaines, oui, tu t'es vraiment concentrée à explorer ce métier-là, ce métier Jacquard? Ben oui, surtout, oui, en fait. Parce que ça a l'air quand même assez complexe à maîtriser, ouais, le métier Jacquard. Oui, c'est assez, oui, on n'improvise pas sur un métier Jacquard. Il faut vraiment, il y a vraiment une assez longue préparation. Je me suis rendu compte que cette préparation-là est quand même... tu sais, j'ai pu faire beaucoup de rapprochements, beaucoup de comparaisons avec le travail de préparation d'images en sérigraphie. Là, oui. C'est-à-dire que on travaille à partir de trames, on travaille à partir de couleurs différentes, on travaille... Ben, dans mon travail en sérigraphie, moi, je travaille comme ça beaucoup avec des images que je réalise à l'ordinateur, dans des logiciels comme Photoshop, là, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'étapes de préparation en amont avant de commencer. Oui, c'est ça. Métier, avant d'arriver au métier, ça fait que là, j'ai eu la chance d'apprendre avec Anne-Marie, qui est technicienne là-bas, puis qui est vraiment bonne. En tissage, c'est la meilleure. Elle t'a aidé. Fait qu'elle m'a aidé, elle m'a appris des choses, c'est ça, pour que je puisse réussir à faire des images qui se tiennent là, avec les métiers. Là. Oui, c'est... Ouais. En quelques mots, est-ce que tu es capable de donner une petite définition du métier Jacquard? Je suis capable, je pense. C'est un métier, en fait, qui est pas mal plus sophistiqué que les métiers sur lesquels on a vu nos grands-mères là, travailler. Oui. Là. Ces métiers-là, en fait, les métiers Jacquard, ils sont contrôler. Ben, ils sont pas. Ben, il y a comme des choses qui se font de façon automatique, mais en fait, ce qui est particulier à ces métiers-là, c'est que chaque fil peut être contrôlé de façon indépendante. Mm-hmm, mm-hmm. C'est ça. Donc, chaque fil est relié à une aiguille qui, elle, est contrôlée de façon indépendante des autres. Ça fait que ça permet d'avoir des images qui sont pas mal plus complexes là, que les métiers. Ben, j'ose pas dire traditionnel, mais bon, mais que le métier que ma grand-mère avait chez elle, disons, oui, là. Oui, c'est ça, ça qui fonctionne à cadre. C'est que t'es pris dans une trame qui est répétitive c'est quand ça, tu travailles avec ça. Le métier traditionnel. Alors que le métier jacquard, t'as une liberté incroyable. C'est ça. Puis tu travailles tes images en amont avec assistance ordinateur, avec c'est des ça. Logiciels. Oui, c'est ça. Puis là, il y a quand même des règles à respecter pour que l'image soit bien armurée, là, pour qu'elle se tienne. Oui. Parce que c'est ça. Fait qu'il y a quand même des contraintes de réalisation au niveau du motif. Mais c'est ça, on n'est pas pris dans un motif répétitif là, comme les autres métiers. Là. Est-ce que tu as eu le temps de sortir quelques pièces? Je sais j'ai eu le temps de faire beaucoup d'exploration. Ouais. Tu as fait de la récupération de matériel aussi au niveau c'est de la laine? Ben, oui, c'est ça. J'avais déjà beaucoup de laine que je pouvais utiliser, fait que j'ai trouvé c'était comme une bonne occasion là d'en utiliser plein, fait que j'ai pu faire beaucoup d'explorations avec des sortes de fibres, avec des couleurs, avec des dessins, des textures. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça justement produire des images, tu sais. Au contraire d'avec la sérigraphie, tu sais, qui est une technique qui produit des images qui sont quand même assez planes, avec des aplats, des couleurs franches, là, de travailler des couleurs qui sont toutes en nuances, de travailler des images plus texturées avec une douceur, là. Ouais, c'est bien. Puis ça amène même des œuvres qui peuvent être réversibles, en fait, parce oui. qu'il y a une proposition à l'endo qui est aussi oui, intéressante. Oui, oui, oui, c'est vrai, le métier jacquard, ça fait ça. Ça t'a donné des idées. Oui, ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment aimé ça de faire des images qu'on peut regarder des deux côtés, là. Ouais, ça, c'est... Donc, le projet sur lequel tu travailles va être présenté à Engram l'année prochaine, c'est ça? Ben, il y a une partie de... Je sais pas si je vais mettre des tissages dans l'expo chez Engram, mais oui, tout ça, c'est dans le but de produire une exposition là, qui va être... présenté en janvier chez Engram. Mm-hmm. C'est quand même bientôt. C'est très j'ai bientôt. Hâte. Puis là, en ce moment, tu poursuis, dans le fond, ta production dans les locaux d'Engram. Oui, c'est ça. Donc, t'es rendue à l'étape d'assemblage. Je suis à la fin de mon projet. Oui, je suis à la fin de la réalisation de mon projet d'exposition. Là. Oui. Donc, tu travailles sur une très grande œuvre textile. Oui, c'est ça. Je suis en train de faire une grande œuvre qui va prendre pas mal d'espace dans la galerie d'Engram. C'est ça, qui est textile. Donc, qui est assemblée un peu à la manière d'une courte pointe. Oui. Puis donc, qui agit un petit peu ensemble, comme une courte pointe parce que, bon, c'est toutes des textiles que j'ai imprimés, sur lesquels j'ai imprimé un motif là, qui est... C'est toujours la même unité de motif, mais qui peut se tourner puis qui produit qui fait comme une image qui a l'air bien complexe. Là. Oh, mais très courte pointe. C'est là. Ça. Comme une vraie courte pointe, c'est ça. Puis j'utilise aussi dans... Bien, comme les vraies courtes pointes, j'utilise des tissus récupérer. Donc, un assemblage de toutes sortes de tissus là, dans cette image-là que je suis en train de créer. Mais l'image que tu as sérigraphiée, elle est unique. Donc, il y a une image qui est répétée sur chaque morceau. C'est la même. Oui, c'est ça. Puis, tu m'as parlé de quelques 400 pièces. Est-ce que c'est... Oui, dans cette œuvre-là que je suis en train de faire, il va y avoir 455 carreaux. Assemblés. Ça va faire 7 mètres de large, environ. Wow. Ouais. C'est le fun. Tes pistes de recherche pour ce projet-là, moi, je suis allée te visiter dans les ateliers d'Engram. On a eu beaucoup de plaisir à parler du projet. Donc, il y a vraiment la notion de ludique un peu dans ce projet-là. Puis chaque pièce, puisqu'elle... une fois qu'elle est... En tout cas, toutes les pièces... tous les éléments du motif donnent... Ah, c'est vraiment difficile à expliquer. Mais, je t'écoute. je suis proche. Chaque élément du motif peut se poursuivre sur la pièce qui sont sur les pièces qui sont pièces voisines. Il y a toujours une continuité qui peut s'inventer entre les différents éléments de motif. Oui, c'est ça qui est vraiment dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc c'est vraiment labyrinthique. Ouais, un peu comme un dessin de M.C. Escher, par exemple, où on est comme pris dans une espèce de labyrinthe. Oui, c'est ça. Moi, c'est il y a peut-être moins d'effets 3D que dans les œuvres de Escher, mais oui, c'est un peu le même genre de truc. C'est-à-dire que c'est une unité de motif qui, en tournant, peut se répéter, puis ça crée des chemins différents. Disons, plus ça fait un genre de gros labyrinthe. Ça, c'est bien dit. Donc, est-ce que c'est comme une scène du quotidien avec des enfants? Est-ce que tu poursuis dans ces recherches d'éléments un peu étranges, tirés du quotidien, des activités de loisirs? C'est assez étrange comme image. Qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, c'est comme des grands bras que ça fait. C'est juste des mains. C'est juste un réseau de lignes avec des mains, plus ou moins avec des bras, plus ou moins longs. Ouais. Oui, c'est ça. On est dans le geste, dans le jeu, dans l'espèce de labyrinthe, dans l'espèce d'image un peu tordu, là. En fait, mon fil conducteur pour ce travail-là, pour ce projet d'exposition-là, c'était l'idée du monstre ou l'idée des monstres. Ou dans la déformation, peut-être? C'est ça, dans la déformation, dans l'espèce d'assemblage un peu étrange, dans l'idée de jouer avec des textures, avec des parties... Ben là, dans ce cas-là, dans une partie du corps humain, tu sais, qui est... C'est à voir à Engram, à partir de... Du début janvier. À la rentrée de janvier. C'est bon, à la rentrée de janvier. Oui. Ben, merci beaucoup, Marie-France Tremblay, de nous parler de ce qui se passe dans ton atelier, dans les ateliers de la Maison des métiers d'art de Québec. Merci, Marie-Claude Drolet, d'avoir invité Marie-France et d'avoir préparé cette belle conversation. Nous, on va partir pour une petite pause audio et retour. Je vous parle de ce qui se passe cette semaine dans le milieu des arts visuels à Québec. Alors, cette semaine, dans le milieu des arts visuels, on en a parlé, Jessica Leb en a parlé à l'émission plus tôt. On en a parlé également au cours de l'émission aujourd'hui. C'est à ne pas manquer. Demain, à partir de 18h, c'est sur l'avenue Cartier que ça se passe. C'est l'inauguration officielle de la 4e édition de Lumière sur l'art, qui est réalisée cette année par l'artiste Manon Depan. Sur la rue Cartier, dans le quartier des arts en collaboration avec la Société de l'avenue Cartier, pardon. Et puis dimanche, c'est à 13h à la galerie Michel Guimond que ça se passe pour le vernissage de l'exposition Traces de Christine Nobel. Donc une belle occasion de découvrir le travail pictural de cette jeune artiste. Et c'est la dernière semaine pour aller faire un tour du côté de Pêche Sherpa pour aller voir les expositions Beauté baroque de Simon Diouville et Résilience de Stéphanie dans la galerie de Pêche Sherpa. Donc c'est déjà terminé pour cette édition de l'aérospatiale. Je vous invite, comme à chaque semaine, à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatiale ckrlwordpress.com et à nous suivre sur notre page Facebook, sur Instagram. J'aimerais remercier nos invités Maud Lévesque et Marie-France Tremblay. Merci à notre chroniqueur Jean-Michel René et à nos chroniqueuses Myriam Leland et Marie-Claude Drolet. Merci à Simon Roy pour la contribution